Portrait, une émission de Mike Lécuyer qui vous propose en quelques titres de retracer le parcours de musiciens qui ont marqué l'histoire du blues et du rock. Portrait. Deuxième partie du portrait de Patrick Verbeek, musicien français de blues, guitariste, chanteur, animateur de radio, producteur, né le 13 avril 1949 à Caen en Normandie et décédé le 22 août 2021 à Montrouge en banlieue parisienne à l'âge de 72 ans. Après 6 albums, il est temps de créer son propre label, Magic Blues, et un nouveau conte pour enfants, Willy et Louise, conte bluesical, qui sort en 1998 avec des dessins de l'harmoniciste Pascal Michaelian. Petit Willy est né dans le delta du Mississippi, il fait chaud là-bas. Il a grandi sans maman ni papa, mais sa nounou lui chantait des chansons sur ses genoux le soir à la maison. Les préférés du petit garçon, c'était les airs de blues du gros ventre de plomb. Ventre de plomb était un musicien, un gros costaud qui n'avait peur de rien. Il se moquait bien du shérif et des chiens. Willy ici, Willy là, voici Willy, le voilà. Petit Willy, fais dodo mon petit gars. Puis une sorte de compilation, Monsieur Blues, en 1999, comprenant aussi quelques inédits enregistrés à la Nouvelle-Orléans, Paris et Roubaix, et une nouvelle version de... Quand t'es parti au boulot ce matin, le blues m'attendait dans la salle de bain. T'es parti au bureau ce matin, le blues m'attendait dans la salle de bain. Quand j'ai reconnu sa trombine, je me suis enfui dans la cuisine. Au petit déj, il était là aussi, il est resté jusqu'à midi. À la télé, à la radio, surtout pendant les infos. Il avait une drôle de voix, le genre de voix qui ne s'oublie pas. À 14h, ils étaient deux, j'étais deux fois plus malheureux. En fin de journée, ils étaient 52, une armée de petits diables bleus. Je voulais pas me laisser envahir, gentiment j'aurais demandé de partir. Ils m'ont dit ok si tu veux, mais on te laisse le chef, le grand tout bleu. Ils m'ont dit ok si tu veux, on te laisse le chef, le grand tout bleu. Il a fouiné dans la maison, fait la conversation. Oh, monsieur blues, lâche-moi un peu, s'il te plaît. Monsieur blues, est-ce que tu vas me fiche la paix? Il a pas dit oui, il a pas dit non. Il s'est installé dans le salon. À 8h, t'étais pas rentré, il a allumé la télé. À 10h, il y avait plus d'espoir, il a squatté mon armoire. Quand il s'est glissé sous mes draps, j'ai compris qu'il me quitterait pas. Avant de basculer dans le 21e siècle, Patrick Verbeek s'offre un rêve, celui d'enregistrer aux États-Unis et même une apparition au Festival de Lafayette en Louisiane. Finalisé en France, Y2K Blues, Y2K Blues, paraît logiquement en 2000 et est gorgé de blues, de country, de zydeco et de rock, en anglais avec des reprises de Chuck Berry, Carole King et Bob Dylan, et en français avec un hommage à son grand ami Luther Allison, décédé en 1997. Sweet Lou, t'as tout donné pour nous. Sweet Lou, t'as joué le blues partout. Surtout, Sweet Lou, dans les moments les plus fous. I miss you, c'était toi le plus doux. Le blues était ton compagnon. Le blues, ton ultime passion. Ta guitare et ta voix à tout jamais résonnent à Chicago, Saint-Cloud ou Madison. Ton sourire, tes yeux pétillants de joie. Hey, Patrick. Joie de vivre d'un enfant de l'Arkansas. Tes souffrances, tu nous en parlais parfois, mais nous montrais que le meilleur d'ici-bas. Chanson est pour toi, Sweet Lou, j'espère que tu l'entendras. De là-haut, tout là-haut, dans le super studio, avec Stevie Ray, Muddy et son mojo. Sweet Lou, t'as tout donné pour nous. Sweet Lou, t'as joué le blues partout. Moments les plus fous, Sweet Lou, c'était toi le plus doux. Sweet Lou, oh man, I sure miss you. Sweet Lou, c'est pour toi. Ray Vaughan and Jimi Hendrix et tous les autres aussi. Zilou. En ce début des années 2000, il est président du jury du premier tremplin Blues sur scène et participe au projet collectif Autour du Blues mené par Michael Jones et Denis Lable, avec une pléiade d'artistes qui chanteront leur amour du blues, ce qui lui donne l'occasion de jouer et d'enregistrer avec Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel, Paul Persson, Chris Lancry, Beverly Joe Scott et bien d'autres. Le feeling va si bien passer que Patrick Verbeek demande au guitariste-arrangeur Denis Lable de participer à la réalisation artistique de son nouveau projet. Un hommage à l'Acadie qu'il prépare depuis qu'il a participé à divers festivals dédiés à la musique cajun et zydeco en France, aux États-Unis et au Canada. Ces rencontres multiculturelles autour de la francophonie donnent naissance au disque Écho d'Acadie qui paraît en 2004. L'album est bien accueilli au Canada mais passe un peu inaperçu en France. Dommage, les musiques et les histoires racontées appellent à découvrir ce pays mystérieux et méconnu qui compte environ 300 000 Acadiens répartis sur plusieurs provinces du Canada. Autoroute Félix Leclerc, entre Québec et Trois-Rivières, y a comme un feeling dans l'air, une longue prière. Tu vis à Ménilmontant, moi au bord du Saint-Laurent. Tant de choses à y faire pour tout ce qui nous sépare. J'affronterai les blizzards. Voyageur solitaire, beau de cœur. Solidaire, la vie sur les bayous, je m'y enfoncerai jusqu'au cou. Y'a comme un feeling qui traîne, une rengaine qui me ramène. Coin de Normandie, de l'autre côté de l'océan. Je t'espère et tu m'attends. Tout ce que tu vis, je le ressens. Voyageur solitaire, bon de cœur solidaire. Solidaire. Une semaine au Jazz Club Lionel Hampton, ça se fête et ça s'enregistre. On y ajoute 7 extraits magnifiques avec des invités américains de son émission sur Europe 1 et ça donne l'excellent double CD capturé live en 2005. À propos de radio, nous l'accueillons sur W3 Blues Radio pour quelques émissions qui rappellent de quoi je vais me plaindre. Mais ce début de 21e siècle est dur pour les finances avec son label Magic Blues. Bravo quand même pour ce beau projet Hexagone Blues Volume 1, malheureusement sans suite, qui fera découvrir de nombreux jeunes artistes chantant le blues en français. Et puis dans sa vie privée, un divorce et une dépression. Le temps de se ressourcer et de faire le point, c'est un de ses meilleurs disques, sinon le meilleur, qui voit le jour. Une sorte de biographie musicale en 11 tableaux qui retrace sa vie depuis bébé jusqu'à ses voyages états-uniens, en passant par ses découvertes musicales, amoureuses, radiophoniques, ses groupes et ses galères. En hippocagne au lycée Malherbe de Caen, je jouais dans l'indescriptible chaos rampant. Un groupe de blues qui sortait du néant, une communauté de musiciens errants. Des herbes folles et des fleurs dans les cheveux, y a plus d'école, tu peux faire ce que tu veux. Tous les hippies se retrouvaient à nos concerts. C'était pas Woodstock, mais ça en avait un peu l'air. C'était au mois de mai, un mois de mai magique. Oh oui, au mois de mai 1968. Et puis il y eut à Langeac Civilisation, un groupe de pros avec sono et camion. C'est avec eux que j'ai rencontré Blue Boy, un vrai gars bleu qui jouait de l'armo et du dobro. On n'avait plus besoin de nos guitares électriques. On vivait écolo avant l'heure. On n'était pas baba cool, mais on voulait juste être les meilleurs. C'était au mois de mai, un mois de mai magique. Au mois de mai 1968. Aujourd'hui tout ça semble bien passé de mode. Tout a changé, on a inventé d'autres codes. Mais ce qui restera gravé dans ma mémoire, c'est la paix et l'amour qu'il y avait dans cette histoire. C'était au mois de mai, un mois de mai magique. Oh oui, au mois de mai de 1968. Vous écoutez Portrait, une émission de Mike Lécuyer. Bluesographie paraît en 2007 chez Dixie Frog. Et c'est une réussite totale, incontournable dans toute bonne discothèque de blues français. Et vogue la galère à travers l'hexagone. même par-delà les mers, je jouais mon blues alone dans les années 80. J'étais chanteur, presque plus rien. Il me fallait recommencer une carrière à peine démarrée. Et puis j'ai rencontré un joueur d'harmonica. Il s'appelait Baco. Dans le Puy-de-Dôme, ça ne s'invente pas. Dans les années 80, j'étais chanteur, presque plus rien. Il allait m'accompagner et il n'a jamais arrêté. Ah oui, Baco. Facile, mais à trois avec une pédale steel, ça pulsait comme une locomotive. C'était l'angloisse, ce troisième gars. Dans les années 80, j'étais chanteur, presque plus rien. Mais avec ces deux copains, je pouvais redevenir quelqu'un. Des villages si perdus qu'il n'y avait même pas de chef de gare. Dans les années 80, j'étais chanteur, presque plus rien. Mais c'est là que j'allais commencer ma vraie carrière, mon vrai métier. Sur Bluesographie, il y a un clin d'œil à son fils, Steve Verbeck, avec le morceau Sonny Boy, et c'est tout naturellement que son dernier disque est un duo père-fils. Deux voix, une guitare et un harmonica, sous le titre « La petite ceinture », qui paraît en 2010 sur le prestigieux label Frémo et Associés, aux côtés des disques « Français d'Amérique »,« Country Québec », le belge El Mordi et son ami harmoniciste de la première heure, Benoît Blue Boy. La boucle est bouclée. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ce gars perdu. Mal coiffé, mal rasé, on ne le voit même plus. Dans son vieux pantalon, son pas est lent. Ses converses en disent long, il n'a pas 30 ans. Il a vécu des histoires, des aventures. Il a vécu des histoires, encaissé des coups durs. Il tourne en rond, en quête d'ouverture, le long de la petite ceinture. Enfin, en 2021, l'année de son décès, Dixie Frog publie une série de 5 disques en vinyle, dont le Écho d'Acadie de Patrick Verbeek, à côté de Fred Chapelier, Purafe, Watermelon Slim et Papa Chubby. Non, sa voix éraillée et son jeu de guitare, souvent en slide, ne vont pas nous manquer car il nous reste ses disques et quelques vidéos en DVD ou sur le net. Monsieur Blues, salut l'ami, t'as décidé de prendre la tangente ? je peux pas t'oublier. J'ai qu'une idée, si t'as mal, le blues te fait du bien. Alors. De quoi je vais me plaindre aujourd'hui? De quoi je vais me plaindre? Mais de quoi je vais me plaindre aujourd'hui? Ah, oh, de quoi je vais me plaindre? De quoi je vais me plaindre aujourd'hui? De quoi je vais me plaindre? Mais de quoi? Oh oui, de quoi? C'était l'émission Portrait. Bonsoir.